Selon le journal d'internet sud-coréen Omae News, les formations de Busan et de la province du Gyeongsang du Sud ont dénoncé le matin courant les dangers des manœuvres militaires américaines sud-coréennes contre le Nord. Les gens pour la paix et la réunification de Busan et autres organisations ont déclaré que les Ulti Freedom Guardian sont le simulacre de guerre pour la première frappe nucléaire contre le Nord, bien que la Corée du Sud et les États-Unis les qualifient d'exercices de défense annuels.